réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes de retour en ce beau jeudi 21 février 2013 et on va vous parler jeu comme à notre habitude ce soir. Et oui, je salue monsieur Andrew Castegan à la console. Bonjour monsieur Castegan. Bonjour monsieur Michaud. Comment ça va? Grosse journée les deux, on s'est dit ça en onde. Ouais, exactement. Mais à part ça. Puis en même temps, ben je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une erreur de mise en onde, fait que j'ai perdu une partie d'une toune pendant l'intro. Non, en fait, VLC Linux fait des choses que normalement il fait pas en Windows, fait que les thèmes ont parti à jouer, j'ai fait non. On va s'habituer un jour. Et là, monsieur Castegan, aujourd'hui, grosse émission. On va commencer par une chronique préenregistrée avec M. Pierre-Luc Pelletier, notre collaborateur sécurité informatique avec qui on va parler Graph Search sur Facebook. On va, après ça, moi et M. Castegan, tomber dans la mêlée des critiques sur la conférence que Sony a donnée hier à propos de sa PlayStation 4. On vous dit rien? Non, j'ai même fait mon agace hier. J'ai sorti un petit message sur Facebook comme de quoi j'étais pas impressionné, mais que ça servait à rien qu'on vienne me poser des questions quand je gardais tout pour l'émission. Pour l'émission. Et on va entendre ça plus tard et on va vous parler évidemment une nouvelle ludique, bien évidemment, comme à notre habitude en tout début. Pour débuter l'émission, comme à notre habitude, justement, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts, lire nos nouvelles. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook de Puissance Maximale. Allez appuyer sur le petit bouton « J'aime ». Vous avez juste besoin de rentrer Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver assez facilement la page avec le petit logo, avec un D, des lettres et un gros X dessus. Allez appuyer sur « J'aime » parce que nous... On l'aime, notre X. Oh yes, parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Alors, allez appuyer là-dessus. Puis on le dit à chaque semaine aussi, mais profitez-en pour propager la bonne nouvelle ludique en partageant la page de Puissance Maximale. On aime ça avoir plein de fans et voilà. C'est ça, en même temps, la page des geeks chialeux commence à nous rattraper. Ça blesse mon orgueil. Et oui, et d'ailleurs, je voudrais vous dire tout de suite que participant à cette page de geeks chialeux, je prépare un petit podcast sur justement les conventions parce qu'on est allé à Janimé. J'ai un petit quelque chose là, sur le cœur encore et ça va sortir prochainement bon, sur. Check l'autre qui garde des rancœurs. Encore, puis il mijote, là. Ça va faire mal. Donc, mais moi, en même temps, je vais vous dire, dépendamment de qu'est-ce qu'on va dire, justement, sur la PlayStation 4, je vais peut-être faire un article plus travaillé, avec plus de détails et plus d'analyses de ma part, que je vais publier avant sur la page de Puissance Maximale. Et puisque ça risque d'être probablement un petit coup de gueule, va dériver en même temps faisant un petit rebond vers Geek Chialeux. Et oui, mesdames et messieurs, et parce que nous, on aime tout plein de genres de monde, dont les Geek Chialeux, bien évidemment. On va commencer en fait en musique. Et comme je vous ai promis la semaine dernière, ce sera un spécial metal. Et c'est en fait, c'est tout tiré d'un site. Là, c'est niaiseux, j'ai oublié de prendre le site en note, mais on va checker ça pendant que ça joue. T'as pas fait tes devoirs. Pas tout à fait, mais vous allez entendre ça. On va y aller avec une première. En fait, c'est des reprises de chansons connues, de séries, de jeux vidéo. Et là, on va commencer avec une première chanson, M. Castegan. Oui, je me suis dit... En fait, j'ai aucune idée comment elle sonne. Fait que je me suis dit, on va y aller, ça va être mollo. Zelda Meets Metal. Oui, Zelda Meets Metal. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Alors, de retour à puissance maximale après cette excellente chanson. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le temps d'une nouvelle chronique sécurité informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier en direct des vieux pays. Salut Pierre-Luc, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, numéro un. Et là, aujourd'hui, on va parler Facebook, mais on va parler d'un truc qu'on connaît un peu, déjà un peu, là, mais qui va aller beaucoup plus loin prochainement. Ça s'appelle le Graph Search, donc sur Facebook. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi le Graph Search? En fait, le Graph Search, c'est drôle parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction en français là, pour le moment. Je ne sais pas si on va en avoir une bientôt. Mais le Graph Search, en fait, ça part de ce qu'ils avaient appelé le Graph, là, il y a quand même une couple d'années de ça. Le Facebook Graph, qui était un peu la façon un peu graphique là, d'afficher ou de ouais, donc d'afficher les liens entre les différentes personnes, leurs posts, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, tout ça. Donc c'était leur concept de graph. D'où le Graph Search, donc c'est-à-dire le but, c'est de chercher vraiment dans ce graphique-là, là, donc dans cette espèce de schéma des liens entre les personnes, puis les choses, puis tous les objets qu'il peut y avoir dans Facebook. Donc, c'est vraiment le cœur de Facebook, là, c'est vraiment ça qui fait que Facebook fonctionne, c'est vraiment le lien entre tout ça. Notre page tout seul fait pas grand-chose à part lier vers nos amis, vers ce qu'on aime, vers où on est aussi, par exemple, les photos qu'on a. Tout ça, donc c'est vraiment une question de lien, là, Facebook. C'est le principe même de Facebook, finalement, c'est les liens que ça crée entre nos amis et ce qui est posté aussi sur nos pages. Mais là, c'est aussi, entre autres, là, ce qui permet à Facebook de nous envoyer des publicités ciblées. Donc, quand on est célibataire, ben, il nous envoie des annonces de comme de trucs de rencontre et autres, là. C'est sur ce principe-là que ça repose. Oui, donc ça, c'est juste une des informations là, qu'on donne à Facebook. C'est notre état, à savoir si on est marié ou célibataire ou en couple ou quoi. Ça, c'est vraiment une seule des informations. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à faire des liens entre les informations. Donc, le Graph Search est un peu là pour ça. C'est qu'on va essayer de trouver des gens qui ont des informations, genre qui aiment telle chose et qui ont telle particularité. Par exemple... je lisais récemment qu'il y avait réussi à trouver des gens qui travaillaient chez un compétiteur de McDonald's, mais qui aimaient la page de McDonald's. Donc c'est vraiment une façon là, peut-être même pour les employeurs de trouver de l'information plus que ce qu'on laisse croire ou ce qu'on laisse transparaître au travail. Donc, les employeurs, probablement même les futurs employeurs, c'est surtout les futurs employeurs, avant d'engager quelqu'un, vont peut-être faire un peu de recherche, justement, Facebook. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va beaucoup plus loin avec Graph Search. Donc, c'est ça, c'est le lien entre tous les objets de Facebook qui est vraiment exploité là, par Graph Search. Donc, c'est pas encore sorti, il faut dire que c'est pas encore sorti pour ce qui est de Facebook en français. Mais c'est déjà utilisé, là, il s'est déployé petit peu par petit peu au fur et à mesure là, selon les langues. C'est ça, on en parle souvent ensemble, Pierre-Luc, quand on parle de sécurité informatique et de vie privée, finalement, c'est d'être vigilant. Et là, on parle de Facebook, encore une fois, on en parle souvent également. C'est encore une fois à l'utilisateur d'être vigilant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il publie. C'est sûr que si on n'a rien à cacher, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir peur. Mm-hmm, c'est sûr. Mais il y a une façon, il faut finalement sur son Facebook, là, pour ceux que des fois qui ont peur de ce qui peut être rendu public, mais c'est simplement d'aller dans la configuration de notre Facebook. Oui, c'est ça. Mais il y a la configuration de Facebook, il y a tout ce qu'on poste aussi. Moi, j'ai toujours le réflexe, je pense, avant de poster quoi que ce soit, je me dis qu'est-ce qui arrive si, je sais pas, un collègue, ou je reprends l'exemple là, du futur employeur, s'il tombe sur ma page, qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce que je vais trop dans l'opinion crue ou c'est vraiment déplacé? Ou est-ce que cette photo-là, est-ce que je devrais la poster? Puis ce qui est intéressant aussi, puis ce qui est intéressant, je devrais dire, pour les employeurs, les futurs employeurs, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qui apparaît sur nous. C'est qu'on peut, par exemple, se faire taguer sur une photo que nous, on n'a pas pris, que oui, quelqu'un d'autre poste, et automatiquement, par défaut, et c'est là que la configuration de Facebook rentre en ligne de compte. C'est qu'il faut s'assurer d'avoir un contrôle sur sa page, donc sur son image, sur son profil. Donc, de demander la permission, lorsqu'on se fait taguer dans une photo, c'est quand même la moindre des choses. C'est-à-dire que moi, je dois vérifier que la photo est appropriée, que c'est bien moi aussi, bien sûr, mais que la photo est appropriée avant de la rendre, de rendre le tag là, public. Donc, que tous mes amis voient cette photo-là. Ça, c'est sûr que ça a causé des problèmes à des gens dans le passé. Donc, de configurer au préalable pour que les photos apparaissent, soient liées à notre compte uniquement lorsqu'on a vérifié que ça devait être le cas. Parce que effectivement, là, dans les configurations qui sont possibles sur Facebook, là, il y a quand même plusieurs choix, plusieurs possibilités à faire au niveau de la vie privée. Mais là, quand on parle de Graph Search, là, ça c'est quelque chose qui va s'en venir, qui va être utilisable par n'importe qui, qu'on va pouvoir parce que on sait que d'après ce qu'on comprend là, de ce que tu nous expliques, c'est que le site le fait pour nous, pour faire les liens, pour nous sortir des fois des suggestions d'amis, des suggestions de choses à aimer, de pages à aimer. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose, une application directement qui va s'en venir sur Facebook pour faire de la recherche directement comme ça pour trouver manuellement des choses qui pourraient nous intéresser selon nos goûts? Oui, ça va être accessible à tout le monde. Ça va être tout simplement un champ texte de recherche, là, comme on peut chercher des personnes aujourd'hui là, en haut là, de notre Facebook. Donc, on va aller beaucoup plus loin et là, on va commencer à faire des recherches beaucoup plus poussées, de chercher, je sais pas, dans nos amis, justement, je reviens avec l'exemple, les gens qui sont célibataires ou entre tel âge et tel âge, ou justement, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est justement les gens qui sont célibataires et entre tel âge et tel âge, et de sexe féminin, par exemple, et hétérosexuel, et je sais pas, qui sont des amis de mes amis, par exemple. Finalement, ça va venir concurrencer les agences de rencontres, là. Ben oui, carrément. Puis là, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut regarder qu'est-ce qu'ils aiment et puis, justement, faire des choix en fonction de ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on aime, sur quoi on clique que j'aime. Donc, c'est ça. En fait, avant que ça arrive, l'idéal, ce serait de regarder la liste de tout ce qu'on a aimé dans le passé sur Facebook. Donc moi je donne pas mes j'aime à la légère là. Je vérifie toujours, ben je m'assure déjà que ce que j'ai en face de moi, si je par exemple c'est un resto, ben que c'est le bon restaurant, que c'est pas une page qui est faite par quelqu'un d'autre que le propriétaire de ce restaurant là. Donc ça c'est parce que après le contenu peut changer puis ça peut être carrément inapproprié par la suite. Faut faire attention à ça. Donc, de faire une bonne revue là, de tout ce qui est lié justement à notre compte pour s'assurer qu'il n'y ait pas de surprise là. Donc, c'est ça. Moi, je regardais dans mes likes, puis tout ce que j'ai vu d'un peu inapproprié, c'était une certaine page qui s'appelait Puissance Maximale là, que j'ai enlevée. On te comprend, écoute, il y a tellement d'opinions dures. On dit les vraies affaires à cette émission-là. Ça peut choquer certaines personnes. Et écoute, comme le dirait Richard Martineau... C'est ça, j'ai pas voulu prendre de chance. Comme le dirait Richard Martineau, même si ça choque des gens, on va le dire. Yes, on aime ça comme ça. En fait, finalement, ce qu'on va se retrouver, c'est véritablement comme on pourrait dire un Google de Facebook, finalement. Un engin de recherche assez... Google de Facebook, ouais. Donc, on va pouvoir chercher tout ce qui est public, hein, bien sûr, parce que si on n'a pas accès à l'information... Mais nécessairement, on ne peut pas chercher en fonction de cette information-là. C'est ça, comme donc, si on faisait... Il y a toujours moyen de sécuriser chacun des petits bouts de notre profil. Quand je pense, là, il y a une partie à propos là, du profil de tout le monde. Vous pouvez mettre votre... vous avez étudié, ou vous travaillez, ou vous habitez, des trucs comme ça, où vous êtes né. Donc, tout ça, c'est configurable. Donc, pour dire, je veux juste que mes amis le sachent, je veux juste que, ou que tout le monde, ou que personne, ou que juste une liste de mes amis, parce que c'est possible aussi d'utiliser les listes d'amis pour sécuriser correctement son Facebook. Donc, si on se fait une liste de nos amis proches, pour éviter de donner de l'information qui est peut-être un petit peu plus sensible à, des collègues qu'on connaît moins, par exemple. Donc, une nouveauté qui s'en vient prochainement sur Facebook. Est-ce qu'on avait des dates qui étaient des spéculations à ce niveau-là déjà? Non, c'est très... ils font ça vraiment au fur et à mesure. Là, pour l'instant, c'est l'anglais. On verra quand ça arrive en français. Mais il faut savoir que tant que c'est pas possible pour vous de chercher, vous n'êtes pas cherchable non plus. Excellent. Donc, sinon, on peut rappeler des, justement là, aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller se promener sur leur profil pour voir si certains éléments de leur profil Facebook sont disponibles au public. Est-ce que tu peux nous dire ça rapidement? Oui, oui, exactement. Mais en fait, si vous allez dans votre profil, vous avez donc directement sur votre profil, vous avez une petite roue d'engrenage là, tout près de historique personnel à droite là, de votre nom. Vous avez donc vous cliquez là-dessus, vous allez sur voir en tant que. Et voir en tant que, ça vous fait voir, donc par défaut, il vous donne la vue publique de votre compte. Donc tout ce qui est public est visible par tout le monde. Ensuite, vous pouvez même tester telle ou telle personne, est-ce qu'elle voit telle chose. Donc vous dites, vous faites un test, vous mettez en haut, là, quand vous êtes dans cette fameuse section, vous mettez le nom de la personne. Et vous voyez ce que cette personne-là voit quand elle est sur votre profil. Donc ça, c'est vraiment un outil là, majeur pour essayer de comprendre comment fonctionne là, la sécurisation de Facebook. Il y a bien sûr là, tout dans le coin en haut à droite, vous avez la roue d'engrenage là, qui avec les sections compte et confidentialité qu'il faut, je vous dirais, quand même assez souvent regarder là. Parce que il y a beaucoup de changements là-dessus, périodiquement, là, à peu près 2 fois par année, ils décident de changer quelque chose et il faut aller revérifier, confirmer que on est encore sécure. Donc, ça fait partie des comment dire des fardeaux là d'être sur Facebook. C'est super intéressant. Ça permet de communiquer avec ses amis, mais il faut quand même faire attention. Puis c'est un espace public. Là. Un petit peu d'effort. Faut le rappeler que Facebook c'est un espace public, là, comme Twitter. Oui, oui, exact. C'est sûr que à tout moment, vous pouvez décider de changer. Par exemple, vous avez fait un statut qui était public et là, vous hésitez. Finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Vous pouvez le rendre uniquement disponible à vos amis ou à personne ou simplement le supprimer. Mais il faut savoir que chez Facebook, ils voient cette information-là et même si vous êtes le seul à avoir l'accès à cette information-là, c'est uniquement vous et Facebook. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Pierre-Luc, de nous avoir parlé du Graph Search qui s'en vient sur Facebook. Et finalement, là, on pourrait conclure en disant que la leçon dans tout ça, c'est d'être vigilant, de penser à 2 fois ce qu'on poste sur Facebook et bien évidemment, de faire attention à sa configuration de compte. Et c'est vrai pour Facebook et c'est vrai pour tout. Pour tout ce qui est, tout ce qui est public et social sur Internet, bien évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir été avec nous pour cette chronique sécurité. On te retrouve prochainement pour une autre chronique. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à toi. Bye. Et on continue avec Puissance Maximale. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. 이게 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 B는 너 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après la chronique sécurité de M. Pierre-Luc Pelletier et deux excellentes chansons du... C'est Shred Guitar Eric, le nom du site. On va vous mettre ça sur la page. Et l'artiste, c'est Eric Calderon. Oui. Calderoné ou Calderon. Calderon. Ou, machin. Et donc, il fait des reprises métal. On a entendu la reprise métal de thème de Zelda. Et là, on a entendu la reprise métal de Gangnam Style. C'était bon. Oui, puis en passant, c'est pas ma faute l'affaire qui s'est passée. Ah, ma playlist était dans le bon ordre. Il restait 4 secondes. J'ai cliqué, mais la souris a fait un double clic. Fait que c'est pas ma faute. Et voilà. Vous le promets. Et maintenant, mesdames et messieurs, on y va avec notre critique, si on veut, ouais, sur... Critique, on l'a pas essayé. Non, là, sur, mais... sur la conférence de Sony que Sony a donnée hier sur l'annonce de sa fameuse PS4 qui s'en viendrait étonnamment aux fêtes. Donc, la période des fêtes 2013. Ouais, ça... faut savoir que quand on parle de holidays ça peut être dans le temps février, des fêtes, ouais. C'est ça. T'sais, ils disent holidays 2013, mais ça peut aller jusqu'en février 2014. C'est ça. Dans trouver la logique. Dans cette grosse période-là, c'était chic, sans passant. La PS4 peut arriver dans vos maisons. Puis là, finalement, il n'y a pas grand-chose qui ont été sortis à la conférence, mais il y a quand même des informations qui sont sorties sur Internet. Parlons premièrement de la conférence. Écoutez, on a regardé ça hier soir tard. Là, on n'a pas écouté live, on a écouté la reprise. Puis c'était pas évident. Non, d'un, c'était vraiment pas évident d'écouter la reprise. Là. Il y avait des problèmes avec les feeds de vidéos live. Là. C'était assez difficile à voir. Pas une super qualité non plus. C'est que si on voulait voir un peu la qualité du graphique qui était présenté en démo. Mais étonnamment, par exemple, je trouve que Sony ont quand même. Il y avait quand même un beau stage. C'était épuré comme au 3 de l'année passée. Mais j'ai été surpris de voir un stage de cette envergure-là pour une conférence de presse de 2 heures. Là. Ça, puis aussi le fait qu'on sentait pas vraiment. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment senti d'enthousiasme du monde qui était dans la salle. Ben non, c'est pas parce qu'il disait quelque chose, mais à un moment donné, t'entendais. Ou t'entendais juste un petit cricket dans le fond, là. Non, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'il n'y a pas eu d'annonce, genre. Ah, en fait, les annonces qui ont été faites, first, il n'y avait pas grand-chose. Deux. Ben, pas grand-chose. Faut que je fasse un clin d'œil à Square Enix. On vient vous annoncer qu'on va vous annoncer quelque chose au E3. Tellement intéressant. Merci, Square Enix. Puis montrer un vieux vidéo de leur engine graphique qu'ils avaient développé. Puis ils disaient, ah, nos jeux Final Fantasy, là, ils vont ressembler à ça. C'est comme, ouais, ça fait 6 mois qu'il circule ton trailer sur Internet. On est tanné de le voir. Donc, dans les annonces qui ont été faites, ben allons-y. Écoutez, ils nous ont parlé d'un Supercharge console. C'est comme l'équivalent d'un Supercharge PC pour gamers avec 8 gigs de RAM, puis ça s'arrêtait là. Lors de la conférence, là. Ouais, la conférence, ils ont montré des beaux graphiques avec des beaux petits dessins. Ils disaient, on a un Supercharge PC, infrastructure, de la mémoire, un Advanced GPU où ils ont mis un pinceau, j'ai fait. Ouais, puis là, on sait pas si. Après ça, 8 gigs de RAM. On était comme, OK. Mais finalement, les informations vraiment techniques ont sorti après la conférence. Et on a réussi à mettre. Nos mains là-dessus. En fait, j'ai été surpris d'une chose parce qu'il y a une contradiction entre qu'est-ce qui a été présenté lors de la conférence versus qu'est-ce que j'ai en avant de moi. Quelque chose que... parce qu'on va tomber sur le sujet. La première des choses, c'est qu'il parlait du processeur comme le cerveau de la machine. Faut savoir que dans le monde informatique, il y a deux formats de processeurs. Vous avez qu'est-ce qu'on appelle le 32 bits. Qu'est-ce qu'on appelle le 64 bits? Je vais essayer de garder ça simple. Là. Les machines récentes, là, les ordinateurs que vous achetez là, quand vous avez 16 gigs de RAM dessus, des affaires de même, là, les grosses machines de guerre ou à peu près 90% des machines d'utilisation commune que vous voyez sur les marchés, c'est des machines qui sont construites 64 bits. C'est comme la nouvelle infrastructure d'ordinateur qui est le standard du marché. Hier, dans les diapositives que Sony ont montré, ils disaient que leur console était sur une infrastructure 32 bits, qui est comme une vieille infrastructure, mais quand vous dépassez pas 4 gigs de RAM, ben généralement, c'est pas un problème. Puis là, c'est ça que je trouvais un peu étrange hier, parce qu'ils disaient 8 gigs de RAM, infrastructure 32 bits, je trouvais que ça fitait pas, mais ça a l'air que c'est une infrastructure 32 bits et 64 bits. Parce que dans le fond, chose que j'avais pas pensé, puis chose qui était pas claire dans la conférence hier, c'est que la PS4 a deux processeurs. Donc, vous en avez un qui est 32 bits, et vous en avez un qui est 64 bits. Et là, les deux processeurs, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y en a un qui allait servir exclusivement au upload-download pour permettre aux joueurs de jouer sans avoir une machine qui est monopolisée par le download. On se rappellera des nombreuses updates du firmware de la PS3 et des trucs du genre, mais il y aurait un set. Moi, j'imagine que le 32 bits va servir à ça. Exactement. Dans le fond, c'est que si on prend l'infrastructure jeu, okay, on va se concentrer sur la fiche technique uniquement pour le jeu. Je vais faire l'autre point après. Au point de vue technique pour le jeu, vous allez avoir un processeur, dans le fond, 64 bits, fabriqué par AMD, qui est le compétiteur de Intel, Jaguar 8 cœurs. Juste pour vous donner une idée, dans le fond, c'est que vous avez un processeur, mais il va faire la job comme s'il était 8. Donc, dans le fond, ce processeur-là est d'une puissance de 1.6 GHz, ce qui, pour une console de jeu, est quand même très performant. Et il y aurait possibilité à ce que la fréquence du processeur monte à 1.84 GHz. Donc, dans le fond, le principe de overclocking, donc si la machine a besoin de plus de puissance, le processeur est capable de fournir plus haut. Donc, je vous dirais, pour une console, c'est très, très fort, parce que un ordinateur, c'est pas tant, parce que vous avez Windows, puis tout ça rouler. Vous avez plein de programmes en arrière-plan qui roulent tout le temps. Là. Exactement, tandis que sur une console de jeu, vous avez pas ces éléments-là. La console de jeu sert uniquement à rouler le jeu et une interface graphique très minimaliste, dans le fond, qui nécessite presque rien sur la machine. Donc, vous avez ça à ce niveau-là. Sinon, vous avez une carte graphique qui, en fait, il parle de, qui pourrait pousser à 2.56 teraflops. Je rentrerai pas dans les détails techniques là-dessus. Mais si vous voulez avoir une comparaison, ça se rapprocherait beaucoup de la série Radeon 7800 sur les ordinateurs de fabricants ATI au niveau des cartes vidéo. Donc, on parle quand même d'une très bonne carte vidéo. Encore une fois, pour une console de jeu, c'est quand même assez monstre. On parle de 8 gigs de RAM DDR5. Donc, dans le fond, c'est quand même très fort ça aussi pour une console de jeu si on considère que la PlayStation 3 avait 512 MB de RAM. Donc, on parle pas du double ou quatre fois, on parle de beaucoup plus. Ben, ça ne me tente pas de le calculer. À peu près 16 fois. Sinon, en tant que tel, une des grosses interrogations qu'on avait hier, parce que ça avait pas été abordé, est-ce qu'il allait avoir un lecteur optique sur la console? Oui, parce qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont circulées justement à cause du fameux brevet que Sony a eu pour un système pour comme empêcher finalement de mettre, on met le jeu dans la machine, il s'enregistre dans cette machine-là, on peut pas le prêter, ce jeu-là vient attaché à notre machine, donc ça tuerait effectivement tout ce qui est industrie de jeux de location et tout. Puis aussi le fait qu'on avait peut-être parlé d'un Sony qui irait vers le digital seulement, donc plus du support CD aussi. Donc, mais comme tu dis, Andrew, il va avoir un support physique. Exactement, on parle d'un lecteur DVD Blu-ray pouvant avoir une vitesse de lecture de 8x pour les DVD et de 6x pour les Blu-ray. Cette vitesse-là, par exemple, avait l'air de te poser un problème. Ben, c'est à cause que moi, qu'est-ce qui m'intrigue, c'est que comme on parlait, Sony parle d'une infrastructure qu'il va pouvoir, il y aura plus de loading, il y aura plus de mise à jour, parce que bref, la façon que Sony projectait la montrait la chose, c'est qu'il disait, on met le jeu, il y a plus de temps d'attente. T'sais, vous voulez jouer, vous mettez le jeu, il va partir, les mises à jour vont se faire en arrière-plan, l'installation du jeu va se faire en arrière-plan, tout va se faire en arrière-plan, puis vous aurez pas de temps d'attente. T'sais, ça va être instantané, même go, on y va. Même chose pour ce qu'on download directement sur le PSN. Exactement. Puis en même temps, juste pour vous donner une idée, si vous êtes joueur PC, à peu près le même principe que qu'est-ce que Blizzard ont commencé à faire avec les jeux sur PC, là, que vous pouvez commencer à télécharger le jeu, puis après un certain pourcentage, vous pouvez commencer à jouer, sauf que Sony veut rendre ça encore un degré plus haut, que vraiment le jeu, vous le mettez, vous jouez, il s'installe en même temps, puis vous n'êtes pas supposé avoir aucun ralenti de performance ou quoi que ce soit. Ils vont vers le cloud gaming, là. Le cloud gaming ou encore jeu 100% sur la machine, parce qu'on n'a pas de détails sur le disque dur. Est-ce que ça va être un SSD, un disque dur en mémoire flash ou quoi que ce soit? La capacité, ils sont... On n'a pas l'information sur le disque dur, mais c'est à cause que la façon qu'ils essaient de montrer ça, à mon avis, ils veulent vraiment que tout le traitement se fasse sur la machine. Puis moi, je trouve qu'un lecteur Blu-ray de 6X... C'est pas beaucoup pour éviter un loading, là. T'es, c'est, parce que je pense que la Play 3, c'est un 8X ou un 2X ou un 12, là, je sais pas exactement, mais il me semble que le Play 3, il est plus vite que ça. Puis ça, c'est à peu près la vitesse qu'on retrouve sur un lecteur Blu-ray pour écouter un film. Un autre truc qu'ils ont souligné pendant la conférence, c'est qu'un fait que quand vous allez jouer, vous allez pouvoir mettre votre console en veille, puis quand vous allez vouloir recommencer à jouer, ben, il y aura pas d'attente, vous allez direct tomber dans le jeu. C'est que là, ça rentre dans cette lignée-là de, tout va être sa RAM, finalement, là. Tout va se stocker là. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont monté à 8 gigs. Ça aurait un sens logique. Là, parce que t'es une machine qui fait rien d'autre que rouler des jeux pour justifier un 8 gig de RAM, là, c'est qu'il faut qu'il y ait du traitement en arrière de ça. Surtout qu'en fait, une démonstration à un moment donné dans la conférence, juste le processeur graphique, là, il est capable de gérer 1 million de particules dans un plan graphique 3D déjà affiché sans solliciter le 8 gig de RAM. Fait que juste pour vous donner une idée, là, si c'est capable de gérer ça sans les jouer dans le 8 gig de RAM, à quoi qu'il va servir le 8 gig de RAM? Et il va servir à ces éléments-là. Puis justement, c'est là que le lecteur optique, là, j'ai comme des gros doutes. Mais là, d'un autre côté, une autre des affaires qui faisait en sorte qu'on avait un peu peur du fait qu'il n'avait pas annoncé de lecteur, c'était le fameux brevet là, que tu parlais. Oui. Puis on se disait, bon, ben, est-ce que tous les jeux de la PS4 vont aller sur le format numérique, qu'on n'aura pas besoin de disque, ou encore, est-ce que les jeux d'occasion vont fonctionner sur la console? Pour le support en tant que tel, il n'y a pas eu de nouvelles, mais par exemple, pour les jeux d'occasion, c'est le président de Sony qui a dit qu'effectivement, on pourra jouer à des jeux d'occasion. Des jeux d'occasion PS4. Oui, il a confirmé que là, il allait avoir des jeux PS4 d'occasion. Parce qu'il faut le dire, la PS4 ne sera pas rétro-compatible. Exactement. Parce qu'en fait, en passant, juste pour vous dire, il n'y a pas eu vraiment d'autres informations à part ça qui est sorti sur la fiche technique. Là. À part les ports, vous allez avoir du HDMI, tout ça, t'es sur un Satan, qu'il y ait ça. Là, ça, c'est standard. Puis sinon, ben, comme je vous dis, au niveau là, de l'autre infrastructure, ben, c'est à cause que, comme je vous disais, vous avez un lecteur, processeur 32 bits et tout le kit là, pour gérer le système d'exploitation et download et tout le kit. Fait que, dans le fond, c'est les informations techniques qui ont sorti pour le moment. Donc, c'est ça. Donc, pour les jeux d'occasion, ce sera possible de le faire d'après PS4, mais comme on vient de dire, il n'y aura pas de rétrocompatibilité, puis ça va loin, là, la non-rétrocompatibilité. Là. On parle même de jeux qu'on a déjà sur le PSN qui ne seront pas transférés. Oui, en fait, les informations qui auraient été sorties, c'est que si vous avez des jeux de PlayStation 1, 2 ou 3, oubliez ça. Ça ne fonctionnera pas. Et si vous avez acheté le jeu en version physique, je sais qu'au Japon, il avait fait un système passeport pour le transfert PSP à la PS Vita, qui a jamais vu le jour, en fait, en Amérique. Le principe, c'est que vous preniez votre jeu, la boîte, et vous aviez le fameux code barre UPC en arrière, qui est, en fait, la preuve d'achat que vous avez acheté le jeu. Le programme passeport, c'est que vous entriez ce code-là, et ça vous permettait, dans le fond, de ripper ou d'aller chercher sur le PlayStation Network, dans le fond, votre jeu en version numérique. En Amérique, on n'a pas eu ce droit-là. Sony, on dit que ça servait à rien et quoi que ce soit. Puis il y a juste le Japon qui a eu le droit. Et là, il y a du monde qui s'attendait avec l'annonce de non-rétrocompatibilité que au moins les jeux de PlayStation 3, si tu entrais ton code barre ou quelque chose comme ça, tu pourrais aller au moins le télécharger. T'es, le fait que ça tombe en format numérique, ça dérangeait pas tant que ça, mais qu'au moins on puisse aller le télécharger. Mais non, si vous avez acheté un jeu à 60$ et que vous le chérissez, ben si vous voulez l'avoir sur votre PlayStation 4, oubliez ça. Gardez votre PS3. Vous allez devoir le racheter. Et pire que ça, d'ailleurs, ça a été non confirmé, c'est dans une des rumeurs, mais t'es, ça a l'air de porter vraiment beaucoup vers ça. Les jeux rétro-compatibles que vous voulez jouer sur votre PlayStation 4 ne seraient pas installés directement sur votre console, mais vous joueriez sur le cloud, grâce au service de cloud gaming de Genkai, je pense c'est le nom Genkai, de la compte. Ouais. Genkai. Et ça ferait en sorte que, dans le fond, les jeux seraient théoriquement pas votre propriété plus, parce que vous auriez pas le jeu installé sur votre console. Vous seriez par le principe de cloud gaming. Et juste pour vous dire, nous autres au Canada, on n'a pas un réseau Internet très, très cloud gaming friendly. Effectivement, ça va coûter cher de bande passante. Écoutez, mesdames et messieurs, ça va déjà vite. On va y aller en musique pour une autre tune, puis on vous revient avec un petit chapitre, comment on va dire ça sur la PS4, manette et, disons, similarité avec les consoles déjà annoncées ou qui existent déjà. On va rigoler un peu après cette chanson. On va écouter quoi, M. Castagnoli? Je vais te faire plaisir, puis plaisir à certains auditeurs. Game of Thrones meet Metal. Yes, et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour continuer sur le dossier PlayStation 4. Et là, on va parler de la manette et des choses qui ressemblent à d'autres consoles. On a ri pas mal en regardant ça hier. C'est un petit peu ridicule. En tout cas, on va commencer par la manette. Écoutez, le design reste quand même assez similaire à la DualShock 3. Maintenant, c'est la DualShock 4. Elle va être, comment dire, la barre du milieu, si on peut dire, là, va être un peu plus large parce qu'il y a de la place pour mettre un pad tactile comme un peu ce qu'il y a derrière la Vita, finalement. Ouais, exactement. Puis en même temps, ils en ont profité pour faire une petite job d'ergonomie, parce que moi, personnellement, je déteste pas la manette de la PlayStation 3. T'es dans le genre, je cracherai pas dessus. T'es, il y a eu des manettes pires dans l'univers du jeu vidéo, là. Nintendo 64. Excusez. Ben, t'as pas vu le vidéo que j'ai fait, toi. Mais ça pour dire que... ça pour dire, t'sais, ils ont mis une petite job d'ergonomie, ils ont mis les coins plus arrondis, rendre ça plus sexy, plus aérodynamique. Maintenant, vous voulez la lancer dans le mur, elle va fendre l'air mieux. Ouais. Puis, peut-être qu'elle va revenir, elle a une forme un peu boomerang. Mais bon, ça pour dire que ils ont fait ces petites jobs-là, mais grosse déception de ma part, ils ont laissé les deux joysticks collés. Moi, personnellement, ouais. c'est ça que j'aime pas de la manette de la PlayStation 3, puis c'est ça qui fait en sorte que je ne joue pas au Killzone et au Mass Effect de ce monde sur une PlayStation 3 parce que je suis juste pas capable. Les shooters, c'est plus difficile là-dessus. Le seul shooter que je suis capable de jouer là-dessus, c'est Fallout. Ben, c'est bien parce qu'il y a un système VATS qui permet de tout arrêter pour cibler. pour cibler, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que petite déception de mon niveau, la manette, je trouve qu'il aurait pu aller un petit peu plus innovateur au niveau de la forme, mais bon, ils ont rajouté des petits gadgets, comme tu dis, là, le petit pad. Ils ont rajouté aussi un jack audio pour mettre des écouteurs, des speakers. Ah ben. Hein? Faites l'addition, là. Speaker intégré, jack pour les écouteurs, un pad tactile. Ça me rappelle quelque chose, ça. Comme que Nintendo. En tout cas, je suis pas sûr, là. Ouais, faudra checker ça. T'sais, je pense que la seule affaire qui est différente un peu, là, c'est qu'il y en a un qui a un écran tactile, puis l'autre, il y a un pad. Ouais. À mon avis, il y a quelqu'un dans le design de la manette qui a dit, on va mettre un pad. Ouais, on sera pas stylé, là. C'est-à-dire qu'on a copié les autres. Mais il y a un LED, il y a une lumière en avant aussi, ouais, pour identifier les manettes. Il y a une lumière en avant pour identifier les manettes. Fait que dans le fond, la couleur du LED en avant va vous permettre de savoir si c'est la manette 1, 2, 3 et 4. Moi, personnellement, je me dis que la petite lumière et avec les 1, 2, 3, 4, ça faisait le job. Mais bon, fait que ça pour dire, sinon, ils ont rajouté un bouton Share sur la manette, parce que chose qu'on a parlé un petit peu, c'est que la console prend une tournure très sociale. Très sociale. Ça, on s'en sactue un peu. Mais pour les médias, d'un certain point de vue, c'est cool, parce que t'es comme nous autres, exemple, pour le sens maximal, mais dans le cas qu'on achète un jeu, on veut faire un streaming pour vous le montrer en même temps qu'on veut le commenter. Il y aura un service avec Ustream, je Ustream pense, ouais. Et Facebook qui va permettre de partager plus facilement nos séances de jeu. Fait que ça, je trouve ça bien, mais pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est quand tu parles de ça dans ta promo pour lancer ta console de jeu qui est quand même supposée être une console hardcore, c'est parce que t'as pas grand-chose à offrir, selon moi. Parce que moi, on en a parlé souvent à l'émission, quand tu vises trop sur le multiplayer puis le social, là, moi, je trouve qu'on s'éloigne trop de l'essence de la machine. Là, on parle de ça hier. Partage vidéo, partage sur Facebook. Hey, moi, mes amis, là, ils savent que je suis geek, là, que je joue, là, mais ils s'en sactuent de ce qui se passe dans mes games. Moi, j'ai une alternative pour ça. Installe-toi Raptor. Puis associe ton compte Xbox sur PSN. Ouais. Puis non seulement ça, tu vas avoir des petits achievements de plus si t'es du genre pour ça. Puis ces achievements-là vont te donner des cadeaux comme des beta keys pour des games. T'es en 40 l'inutile à l'agréable. Ouais, c'est ça. Ben, autant mieux faire ça de même. Un truc intéressant qu'il va y avoir, par exemple, c'est qu'on va pouvoir demander à des amis de prendre contrôle de nos parties à distance pour nous aider. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est, je pense que c'est peut-être le seul bon point que j'ai vu vraiment de tout cet aspect social-là. Mais sinon, on parlait aussi de la lumière sur le devant de la manette. On dit oui, ça sert à identifier les joueurs, mais ça vous rappelle pas quelque chose aussi qu'on appelle quelque chose qu'on en parlait un moment donné, puis on en a bu jamais reparler parce qu'il n'y a rien sorti d'intéressant là-dessus. PlayStation Move. Oui, parce que, mesdames et messieurs, la petite lumière en avant va servir à la double caméra PS4. Ben oui, et quand vous voyez l'image, ça ressemble étrangement, mais c'est une barre. Mais en fait, avant que t'en parles, OK? Je vais vous dire, c'est une barre, une barre que vous pouvez mettre sur le dessus de votre TV qui peut monter, descendre, s'ajuster en fonction pour bien détecter les choses. Et je vais vous lire qu'est-ce que ça fait. Après ça, je vais te laisser réfléchir là-dessus, Mike. La double caméra, cette double caméra pourra suivre avec précision vos mouvements, les contrôleurs Move étant d'ailleurs aussi reconnus, et suivre la profondeur et les mouvements de votre manette DualShock 4. Ah ben, quel tort. Qu'est-ce qui fait ça déjà? J'ai déjà... Kinect! Ben oui! Il manque juste un micro intégré puis de la reconnaissance vocale. Moi, c'est dans ces moments-là que moi, quand j'entends le mot révolutionnaire dans une conférence, ça me fait chier. Je trouve ça... Non, mais il faut vraiment prendre le monde pour des caves, de dire qu'on va révolutionner le jeu en ajoutant des pitons share pour dire qu'est-ce qu'on fait, puis en... On dira pas copier, mais mettons, fortement s'inspirer de la concurrence. Tu sais. C'est disons, ma foi, très... ordinaire. On va voir ce que ça va donner, mais en même temps, peut-être le résultat va peut-être être super, mais à la base, je trouve ça un peu cheap de Sony de sortir ça. Moi, j'ai hâte de voir face à ça, là, la réponse de Microsoft. Mais bon, là, rapidement, parce que là, le temps file, j'aimerais ça qu'on parle des jeux rapidement qui ont été annoncés. Rapidement, j'aimerais faire une mention sur une dernière chose, parce qu'on a parlé du produit, mais je veux juste mentionner une chose que je déplore de la conférence de Sony avant qu'on tombe sur les jeux. Je trouve que Sony ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase sur dire « on a développé une console pour les développeurs ». Je m'excuse, Sony, mais c'est pas les développeurs qui rentabilisent votre compagnie, c'est les joueurs et les consommateurs. Si on se aux deux dernières années et demie de Sony, là, effectivement, ils restent dans leur branche de les consommateurs, là, on s'en fout un peu de ce qu'ils vont dire. T'sais. C'est ça. C'est que oui, je comprends, vous voulez rendre votre plateforme plus accessible aux développeurs, mais il y a pas juste eux autres dans la vie. Il y a ceux qui achètent vos consoles puis qui jouent avec. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu effronté que les trois points finaux disent les trois choses que vous devez retenir, puis le point le plus important des trois choses à retenir, c'était PlayStation 4 for the developers. Hey! Non, c'est ça. J'ai trouvé ça un peu idiot. Là, rapidement, les jeux, ceux qui ont été annoncés à la sortie, il va y avoir Watch Dogs, un titre très prometteur de Ubisoft Montréal. On en avait déjà parlé, ça était déjà sorti plus tôt l'année dernière, en fait. Un jeu où on est un hacker, un genre de vigilante, un genre de, comment je pourrais dire ça, un super-héros dans un sens où on va défendre des gens qui se font attaquer dans la rue. On va hacker des trucs qu'il y a dans la ville, mais on est surveillé par autre chose. En tout cas, bref, il y a eu un démo gameplay qu'on avait déjà vu, un autre démo, mais là, ils l'ont montré. Ils en ont montré à un autre. À la sauce PS4. Vraiment intéressant. Moi, c'est sûr qu'il va avoir ça sur PC de toute façon. Il va sortir en premier sur PS4, ensuite PC, PS3, Xbox et même Wii U, je pense. Wii U, je pense que ça va peut-être avoir une petite tournure gameplay intéressante avec le gamepad, bien évidemment. Ça, c'est un titre à surveiller. Sinon, rapidement. Parce que Ubisoft, sont bons pour les petites gimmicks de gadgets de Nintendo là-dessus. Fait que je me dis. On passe à les zombies. Même si on a une petite perte graphique, là, je me dis si le gameplay est vraiment amélioré, ça va être à watcher. Sinon, rapidement, il va y avoir un prochain... Infamous Second Son. Il n'y a pas eu de gameplay, c'était juste une cinématique. Je comprends pas pourquoi que le monde s'énerve le poil. Ah, le jeu va être malade. Non. C'est une cinématique. C'est intéressant parce que c'est une bonne franchise, mais il y a eu Deep Down aussi qui va. Deep Down. Par exemple, j'ai re-regardé le vidéo, puis je suis pas si convaincu que ça, que c'était un gameplay fodé. Non, je pense pas. Ben, parce que, parce qu'on a vu des moments dans la cinématique où on a comme un hub, comme t'es l'interface, comme si on jouait. Sauf que d'un certain côté, je regardais ça, puis je me disais. Yeah. Mais c'est beau, en tout cas. C'est à cause des langues de caméra qui mettait avec l'interface graphique. Je me dis, crime, ça doit mal aller pour tirer, surtout l'archer. Là. Ouais, on verra, mais c'est peut-être un mode genre caméra juste en premier qu'on dégaine, peut-être qu'il y a autre chose. Mais bref, un jeu, en tout cas, si c'est du gameplay superbe, un jeu médiéval qui a vraiment fait par Capcom. Ouais, très hot côté graphique, mais bon, pour c'est le gameplay. C'est très liché. Les textures sont très lichées pour. Léchées, comme on dit pas. Léchées, c'est pareil. Ils l'ont liché. Et là, avec les bruitages, il y a en plus. Deep Down qui s'en vient, qui a l'air intéressant, mais pas de gameplay, donc très beau, mais on verra. Sinon, dans les autres jeux qui ont été annoncés, Destiny, qui est la nouvelle. Gros projet de Bungie. Avec Activision, on n'a pas eu tant de détails que ça. Puis en même temps, c'était un petit peu nébuleux. Ça semblait être un MMO first-person shooter, mais je suis pas convaincu à 100%. Ben, je suis pas convaincu que c'est ça à 100% parce qu'ils ont parlé beaucoup d'online, mais je sais pas si c'était dans l'optique de tout l'aspect online que la PS4 offrait ou si c'était vraiment la mentalité du jeu qui faisait en sorte. Bref, c'est ça. Encore vague, mais qui a l'air vraiment un projet intéressant de la part de Bungie. Je trouve que Bungie font des bons jeux, mais ils ont toujours tendance à sortir des jeux qui rappellent Halo. Je regardais la vidéo, puis j'avais l'impression de voir Halo. Puis même dans les créatures qu'on nous montrait, là, effectivement, il y a des trucs qui ressemblaient à ça, mais bon. Autre jeu, Witcher 3. Écoutez, vous savez que je suis un grand fan de la série, de cette franchise-là, mais Witcher 3 a été annoncé pour PS4 également. Moi, je suis bien content, mais je m'achèterai pas une PS4 pour ça, parce qu'il va sortir sur PC, mais bref, un autre titre qui a été annoncé pour la PS4. Écoutez, ça va tellement vite, l'émission est déjà... on est déjà arrivé à la fin. On va essayer peut-être... S'il y a des détails qui ressortent, on va vous en reparler au courant des semaines. Moi, premièrement, je vais probablement écrire, comme je vous disais, un article avec plus de détails là, sur la chose, là, parce que j'ai pas eu le temps de couvrir tout ce que je voulais dire. Que voulez-vous, j'ai une grande gueule. Mais bon, je vais sortir un article avec plus de détails sur mes impressions puis mes prédictions. T'sais, comme vous savez, je suis bon là-dedans. Fait que je vais vous faire ça là, cette semaine. Excellent. Merci beaucoup, M. Castigan, d'avoir été là, comme à ton habitude, à la console, fidèle serviteur des Pitons. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mon nom est Mickaël Michaud, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez voir ce site-là pour aller écouter nos anciennes émissions, podcasts et lire nos nouvelles. Allez sur Facebook, nous aimer. Donc, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le petit bouton j'aime parce que nous aussi, on vous aime, mesdames et messieurs, pour être ici à chaque semaine pour vous parler jeu. Et je voudrais vous dire, comme à chaque semaine, passez une excellente semaine de jeu. Solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins to we. One, two, three, four, yeah!